Taylor about the fucking flex. Après 20 piges dans les Chico, ouais, Snow, Snow, c'était le code détenu de Ben Terro, il s'est battu pour son bac pro, pour le placard, il était pas prêt, mais un soir il a appris, lui qui a jamais vendu de pur, ouais, Snow, Snow, après 20 piges dans les Chico, ouais, Snow, Snow, c'était le code détenu de Ben Terro, il s'est battu pour son bac pro, pour le placard, il était pas prêt, mais un soir il a appris, lui qui a jamais vendu de pur, je te parle de Snow, c'était comme un saint, mais ce soir c'était sérieux, ce soir Snow il a serré, il y avait le Samu et zéro sou. T'étais sous sirop, j't'ai vu Snow, c'était sinistre. Mais j'te jure, t'étais serein, t'as pas bougé devant les sirènes. Et là, les bleus se sont cernis, lui qui rêvait de quitter la zone. Snow va finir en 11, mais ce soir, il était zen. Snow, Snow, c'est pas possible, t'as pas fait ça. Mais y'a pas de si gros, c'était toi ce soir d'été. T'as vu Satan, j'ai vu tes yeux, j'dis pas de sottise. Et lui, sa tête, j'l'ai vu sauter. La page de la situe entre les deux yeux, gros, t'as visé. Toi qui n'avais jamais visère ce soir une vie, gros, t'as volé. Mais moi, je sais que c'était pas voulu. Ce soir, panca, gros, t'as sauvé. Toi qui connais aucun soviste, toi, tu te battais pour ton bac pro. T'as réussi, t'avais pas de prix. Mais ce soir-là, t'as tout perdu, tu l'as sauvé. Il est parti, ils sont pétés. T'as pas poucave, toi qui savais même pas péquette. Au placard, ils vont piquer, gros. Snow. Snow a pris 20 piges dans les Chico, ouais, Snow, Snow, c'était le code détenu de Ben Terro, il s'est battu pour son bac pro, pour le placard il était pas prêt, mais un soir il a appris, lui qui a jamais vendu de pur, ouais, Snow, Snow, a pris 20 piges dans les Chico, ouais, Snow, Snow, c'était le code détenu de Ben Terro, il s'est battu pour son bac pro, pour le placard il était pas prêt, mais un soir il a appris, lui qui a jamais vendu de pur.